attente, j'attends le souffle de l'eau claire, quand au matin elle creuse les pierres, murmurant à peine quelques mots sous les feuillages. Pureté, tel un voile de survivance, je te vois flotter derrière les ombres, entre les arbres peints sur le givre des collines. Les rumeurs de la ville emportent au loin des phrases inconnues dont il ne revient rien. Il faut des rêves au sillon de la terre pour qu'ils dressent à chaque aube un peu plus leur offrande. Il faut que la nuit murmure quelques mots pour un partage et que le front froid des étoiles disperse les gouffres. Alors j'entends le seul bruit du sang. Je t'en...